France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. Pour cette première semaine de l'année 2024, voici une série Un jour, un philosophe, une question. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter l'émission du 12 octobre 2023, Charles Darwin, compétition et coopération au sein des espèces. Charles Darwin et le darwinisme, ce n'est pas la même chose. Rarement un livre, L'origine des espèces, paru en 1859 en Angleterre, aura fait couler autant d'encre, de colère, mais aussi d'envie d'adapter ses thèses au domaine de la vie sociale et politique. Et pourtant, la lutte pour la vie que décrit Darwin, Struggle for Life, lutte dans laquelle certaines variations ou variétés à l'intérieur des différentes espèces d'êtres vivants réussissent mieux que d'autres, évoque surtout du hasard et une concurrence subie. Génie et force d'âme n'ont pas grand-chose à voir avec tout cela. De plus, nous allons l'observer, la compétition n'exclut guère, selon Darwin, des formes de coopération, bien au contraire. Ce qui, à l'évidence, résiste à la récupération de ces théories par des eugénistes ou des hyper-individualistes, trop heureux de décrire une constante guerre de tous contre tous. Pour nous aider à y voir clair dans les travaux de Darwin et dans les lectures diverses qui ont été faites de ces travaux, j'accueille Philippe Huneman, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je ne peux pas citer tous vos livres, ils sont très nombreux, certains sont collectifs, certains sont en anglais. Ils évoquent les enjeux biologiques, mais aussi économiques, qui se sont greffés sur la biologie parfois. Votre dernier ouvrage, c'était chez Payot, c'est cette année. Cela s'intitule « Les sociétés du profilage, évaluer, optimiser, prédire ». Et bonjour Georges Chapoutier. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes biologiste, philosophe de la biologie, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez écrit un livre très remarqué, important, en 2001, « L'homme, ce singe en mosaïque » chez Odile Jacob. On peut citer aussi plus récemment en 2020, toujours chez Odile Jacob, votre ouvrage intitulé « Sauver l'homme par l'animal ». Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil, ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe-poisson-grenouille, et ce singe-poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann. Oui, c'est South Park, vous connaissez peut-être, c'est un dessin animé pour adultes, une série, et là vous avez entendu la saison 10, l'épisode 12. De toute évidence, c'est scatologique, absurde, ça c'est l'esprit de la série, peut-être problématique, mais enfin on s'est dit que les auditeurs de France Culture pouvaient quand même écouter cela. Et vous le savez sans doute aussi, ça permet une satire de la société américaine. Et dans le cas présent, cette séquence montre bien quand même quelque chose. C'est le scandale Darwin. Alors, quel que soit le résumé que fasse cet instituteur de South Park, on entend bien qu'il s'agit, dans la théorie biologique darwinienne, de ramener l'homme à une obscure origine animale, à des croisements divers où le hasard est intervenu et où il n'y a pas de patte de Dieu, en tout cas pas manifeste. Est-ce que c'est cela d'abord Darwin, Georges Chapoutier? Alors d'abord, moi je voudrais ramener Darwin à quelque chose de plus large, hein. Darwin a fait triompher l'évolutionnisme. Mais il y a l'évolutionnisme avant Darwin. Il y a Lamarck, déjà, oui, qui a été le grand créateur de l'évolutionnisme au sens large, mais même avant, dans des domaines beaucoup plus pointus, Il y a des auteurs qui avaient envisagé une évolution dans les souches de fraisiers, etc., etc. Oui. Il y a tout un aspect évolutif qui précède Darwin. Mm-hmm. Et donc, Darwin est arrivé, il a fait en quelque sorte triompher l'évolutionnisme, mais qui existait avant lui. Et puis le deuxième point que je voudrais faire remarquer, c'est que, on va beaucoup parler du struggle for life, etc., etc. Mais Darwin, lui, était lamarckien, c'est-à-dire que il croyait dans l'hérédité des caractères acquis. En d'autres termes, quand on parle de darwinisme maintenant, on parle de néo-darwinisme, oui. C'est-à-dire qu'un concept qui ne réfère plus aux caractères acquis. Mais il faut bien rappeler quand même que Darwin, lui, il était lamarckien. Donc, c'est un peu plus compliqué que voilà, ce qu'on dit. Maintenant, voilà, je voulais repousser très légèrement tout cela, mais vous m'y obligez, c'est très bien. On va rappeler qui est Lamarck, on va rappeler aussi qui est Malthus, parce que je crois que ça a compté dans la pensée de Darwin, et ensuite on arrivera à Darwin. Alors, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, était né en 1744, il est mort dans la première moitié du 19e siècle, et il est l'auteur d'une philosophie zoologique parue en 1809. On dit parfois, je voudrais savoir si c'est vrai, que au fond ce que Lamarck a dit, c'est que si la girafe a un long cou, c'est pour s'adapter à chercher ses fruits dans les arbres, vous savez, c'est la vulgate lamarckienne, ou si des animaux ont une fourrure, c'est pour être mieux adapté au froid. Et on dit souvent que Darwin aurait inversé cela. En réalité, il y avait des animaux comme des girafes avec des coups de différentes tailles, et en fait c'est celle qui avait le plus long cou qui s'est adapté, et il y avait des animaux avec plus ou moins de fourrure, et comme il faisait froid, ce sont ceux avec fourrure qui ont survécu, ce qui n'est pas exactement le même raisonnement que Lamarck. Est-ce que je me trompe dans cette... Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que ça convient à peu près ce propos Philippe Unemann? C'est ça. Alors en étant un petit peu moins rapide, il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'effectivement, donc Darwin, c'est le père... Père de l'évolutionnisme moderne, c'est-à-dire la biologie est darwinienne. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? On dit qu'avec Darwin, on a fait entrer dans la biologie deux idées. La première qui est ce qui s'appelait aussi parfois le transformisme, l'idée que les espèces descendent les unes des autres. Et comme Georges le rappelait, c'est quelque chose qui était très vieux. À l'époque, il y avait énormément de gens qui pensaient ça à l'époque de Darwin, y compris le grand-père de Darwin, ce qui déjà pose quelque chose, Erasmus Darwin. Et d'autre part, et c'est ça qui est essentiel, Darwin a proposé une cause de l'évolution, la cause principale pour lui, qui est ce qui s'appelle la sélection naturelle, qui va avoir un lien direct avec la compétition, on va en reparler. Et la sélection naturelle, dans cette histoire de girafe, ça veut dire quoi? En fait, c'est assez facile à expliquer pédagogiquement. Pour Lamarck, donc, il souscrit à cette idée d'évolution, les espèces descendent les unes des autres. Et il propose deux causes qui agissent de concert pour ça. La première, qu'on oublie tout le temps quand on parle de lamarckisme maintenant, qui est qu'il y a une tendance profonde à la complexification dans l'histoire de la vie. Plus on avance, plus les générations sont, les individus des différentes générations sont complexes. C'est quelque chose qui, pour lui, a une raison physique, physico-chimique. Bon. Et d'autre part, et c'est à ça qu'on pense quand on dit lamarckisme aujourd'hui, les individus s'adaptent, c'est-à-dire, c'est le premier sens du mot adaptation, ils changent au cours de leur vie. Si vous êtes Nadal, vous allez vous adapter au tennis, vous allez avoir des gros biceps. Si vous allez vivre à la montagne, votre rythme cardiaque va diminuer. Si vous êtes un coureur de fond, pareil, votre rythme cardiaque diminue. Bon. Et si vous êtes un animal avec un peu de fourrure, vous vivez dans le froid, vous avez plus de fourrure à la fin. C'est ça l'idée? Ce serait ça l'idée. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, vous passez ça à votre descendance. Et c'est ce qu'on appelle ce qui en est venu à s'appeler l'hérédité des caractères acquis. Si vous avez, d'une part, ce qui est absolument incontestable, le fait que la plupart des animaux changent dans leur vie et en s'ajustant à leur milieu. Et d'autre part, ils transmettent ça à leurs descendants. Alors, vous avez des girafes qui vont avoir des coups de plus en plus longs parce que leurs parents font des efforts, les muscles du cou grandissent. Etc. Bon. Alors, si vous êtes darwinien, alors pour Darwin, quelque chose d'absolument essentiel, c'est que les individus n'évoluent pas, ne s'adaptent pas. En un sens très précis du mot adaptation, qui est relativement équivoque et ça pose plein de questions. Mais l'idée, c'est que vous partez d'une population, et c'est la chose absolument essentielle, parce que le raisonnement lamarckien, ça marchait avec une seule girafe. Bon. Ce que Darwin a vu, c'est qu'il faut partir d'une population, donc beaucoup de girafes. Ces girafes sont différentes, c'est le deuxième fait de base. Quand vous avez une population, les individus sont différents. C'est ce qu'il appelle des variétés, des variations. Et ces variants, ben, il y en a qui ont plus de succès que d'autres. C'est-à-dire que, là, dans l'exemple, il y a des girafes qui vont... les plus grandes vont manger plus que d'autres parce qu'elles sont à la hauteur des feuilles. Et donc, troisième chose, elles vont transmettre leurs traits, leur taille qui a été héritée en fait. Elles vont la transmettre à leurs descendants avec des variations. C'est quelque chose qu'on sait aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux sens de variation. D'une part, les girafes sont toutes différentes. Et d'autre part, si vous prenez une famille de girafes, comme chez nous, hein, chez les humains, elles vont avoir des enfants girafes qui auront des tailles différentes d'elles-mêmes. Néanmoins, en général, les girafes auront des enfants qui auront les grandes girafes auront des enfants qui auront tendance à être plus grands que la moyenne, les petites tendance à être plus petites que la moyenne. C'est les bases de l'explication darwinienne. Donc la population, les différences dans la population, le fait que ces différences sont héritables et le fait enfin que certaines tailles pour cette histoire de girafe permettent aux descendants d'avoir plus de succès. Qu'est-ce que j'entends par succès? Vivre plus longtemps et c'est le point absolument essentiel, avoir plus de descendants que les autres. Donc, qui seront plus grands que les autres puisqu'elles vont recevoir ça. Voilà. Donc ça, c'est ça l'énorme différence avec la marque. Qui nous permet de revenir à votre remarque, Georges Chapoutier. Darwin était lamarckien, avez-vous dit d'entrée de jeu? Oui, mais. Non. Il a développé. Oui, comme vient de le dire Philippe, il a développé une thèse de lutte pour la vie qui s'est avérée extrêmement fructueuse pour la sélection ensuite. Mais elle a été adoptée par ce qu'on appelle le néo-darwinisme maintenant, qui reprend de Darwin cette sélection naturelle et il rajoute des mutations, hein, des caractères génétiques. Donc la théorie, disons, pour simplifier les choses, la théorie en vogue jusqu'à une date récente, c'était le néo-lamarckisme, c'est-à-dire la sélection naturelle plus des mutations. D'accord, mais je voulais juste qu'on parle du darwinisme avant de passer au néo-darwinisme. Est-ce que Darwin change quand même la donne dans sa théorisation après Lamarck? Dans la proportion qui vient d'être dite, exposée très précisément par Philippe Unemann, vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il change l'approche, il convainc. Oui. Il entraîne la conviction. Et alors, surtout, c'est un problème de hasard, c'est-à-dire qu'il fasse que les fruits soient hauts ou bas pour les girafes, qu'il fasse froid ou chaud à certains moments. Bon. Peu importe, ce sont des événements conjoncturels, il n'y a pas de sens de l'histoire, et ça va produire des évolutions d'espèces, ceux qui sont héréditairement les plus adaptés vont se reproduire mieux, mais c'est vrai que du point de vue des théologiens, par exemple, ceux qui cherchent une finalité dans la création du monde, il est beaucoup plus problématique, Darwin, que Lamarck. Oui, tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. On parlera de la finalité après tout à l'heure, parce que j'ai une thèse là-dessus personnellement. Mm-hmm. Mais on n'en est pas là, effectivement. Formulée comme ça, la thèse darwinienne, elle fait appel au hasard. Elle est aléatoire. Mais en même temps, ne serait-elle pas compatible à un second niveau avec l'idée que tous les coups sont joués par le joueur de dés qui pourrait être Dieu si on est croyant. Oui, mais alors Darwin n'est pas totalement incompatible avec l'idée que tout cela a été orchestré. Et d'ailleurs, il y a aussi des gens qui, avec Darwin, rétablissent une espèce d'idée du grand architecte. Ça n'empêche pas. Pierre de Chardin, par exemple. Oui, tout à fait. On ne sait pas. Alors pourquoi fait-il tant de. Est-il si. Parce que lui n'a pas voulu faire appel au doigt de Dieu, je tentais de dire. Ouais. Lui, il part d'un modèle strictement aléatoire. Mais il n'est pas interdit de le rattacher à des thèses métaphysiques autres, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, alors la question du rapport avec Dieu, la théologie, etc., c'est complexe. Mais en deux mots, bien évidemment, il y a quand même assez vite une incompatibilité entre les thèses théologiques et le darwinisme. Et cette incompatibilité, et je vais détailler dans un instant, cette compatibilité, elle a à voir avec la notion de finalité. Donc si on revient à ce qu'on disait, donc si on prend le processus de sélection naturelle, qui encore une fois pour Darwin est la cause principale de l'évolution. C'est-à-dire que Darwin pensait qu'il y avait plusieurs causes de l'évolution, dont les causes lamarckiennes, qu'il appelait l'usage et le non-usage. Mais la principale, et c'est ça la thèse darwinienne majeure, hein, oui. c'est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, on peut la décomposer. Il y a deux choses. Il y a de la variation, et la variation, c'est ça qui est aléatoire. C'est-à-dire que c'était la variation, la taille des girafes. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Et si vous prenez une girafe, effectivement, elle aura des enfants girafes qui auront des tailles différentes. Alors, c'est certes du hasard, mais c'est pas complètement du hasard parce que cette taille, dire que la taille est héritable, c'est dire que la taille des enfants, par exemple, la moyenne de la taille des descendants d'une girafe va ressembler à la taille de cette girafe. Bon. Mais la variation est aléatoire et aujourd'hui, on dit, Darwin n'avait pas les outils parce qu'il n'avait pas la génétique pour penser ça. On dit que c'est aléatoire, c'est le fait que les mutations génétiques sont aléatoires. Et aléatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas dirigées vers ce qui est bénéfique pour l'organisme. C'est vraiment ça. Et ensuite, alors évidemment, la sélection naturelle, le processus entier n'est pas complètement aléatoire. C'est-à-dire que si vous mettez une population d'individus, je sais pas, de bactéries par exemple, et tout d'un coup, vous ça a été fait hein, dans des expériences de l'équipe de quelqu'un qui s'appelait Richard Lenski, vous diminuez l'apport en glucose, oui. Vous pouvez prédire que c'est au bout de beaucoup de générations, ces bactéries vont avoir un métabolisme changé qui va leur permettre de plus synthétiser de glucose que ce qui était avant. Les autres qui n'en sont pas capables vont s'éteindre. Il y a cette idée d'extinction. Alors, de certaines variétés. L'extinction, c'est les espèces. Donc c'est encore à une autre échelle. Mais là, il est clair que si on parle en termes contemporains, effectivement, les gènes ou plutôt certains allèles vont se fixer dans la population. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qu'on va trouver. Puis les autres vont disparaître. Et ça, c'est la base du processus d'évolution darwinienne. Je vous propose de maintenant nous attaquer au texte même, un texte de l'origine des espèces de 1859 de Darwin qui évoque avec précision la lutte pour l'existence et la compétition qui semble à l'œuvre. On écoute. Je dois faire remarquer que j'emploie le terme de lutte pour l'existence dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés et, ce qui est le plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son aptitude ou sa réussite à laisser des descendants. On peut certainement affirmer que deux animaux carnivores, en temps de famine, luttent l'un contre l'autre. À qui se procurera les aliments nécessaires à son existence. Mais on dit qu'une plante, au bord du désert, lutte pour l'existence contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de dire que son existence dépend de l'humidité. Le gui dépend du pommier et de quelques autres arbres. Or, c'est seulement au figuré que l'on pourra dire qu'il lutte contre ces arbres. Car si ces parasites s'établissent en trop grand nombre sur le même arbre, ce dernier languit et meurt. Mais on peut dire que plusieurs guis, poussant ensemble sur la même branche et produisant des graines, luttent l'un avec l'autre. Comme ce sont les oiseaux qui disséminent les graines du gui, son existence dépend d'eux. Et l'on pourra dire au figuré que le gui lutte avec d'autres plantes portant des fruits, car il importe à chaque plante d'amener les oiseaux à manger les fruits qu'elle produit, pour en disséminer la graine. Charles Darwin, donc, lu ici par Riyad Kera de l'équipe d'Avec Philosophie. Georges Chapoutier, ce qui est une chose assez remarquable dans ce texte de Darwin, c'est la façon dont il prend des précautions. On dit que c'est une lutte. Bon, je crois savoir aussi, pour avoir lu vos travaux à tous les deux, que une partie, hein, parce que c'est considérable, que la notion même de sélection naturelle, il a fini un peu par regretter ce terme. Tout ce qui donne l'impression d'une action consciente des espèces ou des variétés, alors c'est peut-être plus simple, enfin conscience pour les animaux, enfin l'impression d'un mouvement volontaire, ça n'a pas de sens pour Darwin. C'est donc, je dis lutte, j'emploie la métaphore de la lutte, mais comprenez bien que ce sont des événements qui arrivent. Et s'il n'y a plus assez à manger pour telle espèce qui a particulièrement besoin de manger cela, eh ben, elle s'éteindra, en tout cas s'éteindront les variétés en elle qui en ont le plus besoin. Donc c'est pas conscient, c'est pas une volonté. Alors c'est pas conscient dans ce texte-là, on verra d'autres textes de Darwin plus tard qui implique des phénomènes tout à fait autres, comme l'empathie, l'entraide, etc., etc. Mais sur ce point particulier, ce qu'on a voulu retenir beaucoup souvent de Darwin, qui est le struggle for life, là, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose de très mécanique ou mécaniste, si vous voulez. Et qu'on subit passivement. Et donc, toute forme d'adaptation de cette théorie à l'idée qu'il faut une compétition consciente entre les individus humains. D'abord, il n'a jamais parlé des êtres humains. Il en a parlé dans d'autres textes. Qu'est-ce qu'il en a dit, alors? Qu'il y avait de l'entraide. Justement. Ça, c'est un autre problème. On va y venir tout à l'heure. Pour ce qui est de la compétition, le struggle for life, la lutte pour la vie, on ne peut pas du tout dire que ce soit transférable à une société humaine où il y a de la volonté et de la conscience. Non seulement ça, mais sa position a été gauchie par des philosophes qui ont voulu transposer à l'homme le darwinisme social, qui a été une abomination. Alors, en même temps, on a du mal à trouver des noms. C'est-à-dire qu'on connaît plein de gens qui ont lutté contre ce darwinisme social, des gens qui précisément ont accentué plutôt l'entraide et la coopération dont on va parler chez Darwin, en disant que c'est pas du tout la compétition de manière univoque, mais quelles sont les troupes des darwinistes sociaux, disons, hyper individualistes, voire eugénistes, qui ont récupéré... Moi, j'en ai trouvé un, c'est Edward Wilson, peut-être, non? Au XXe siècle, plutôt. C'est un peu compliqué, en fait. Je ne sais pas si... Philippe Unman. Spencer, historiquement, je pense que Spencer qui était l'un des plus importants philosophes au XIXe siècle, qui a marqué Durkheim aussi. Et c'est Spencer qui a suggéré à Darwin, puisque vous y faisiez allusion, de remplacer sélection naturelle par survival of the fittest. La survie des plus aptes. Il y a un point, quand on lit Darwin, qui est important, c'est qu'il y a des mots qui sont difficiles à traduire. C'est-à-dire que je fais partie des philosophes qui pensent que la philosophie, c'est universel, on peut traduire les arguments, etc. Mais il y a certains mots comme fitness, design, contrivance. Fitness. Alors, on appelle aujourd'hui fitness le mot qui dérive de survival of the fittest. C'est la mesure du succès évolutif. D'accord. Et alors, si on lit ce texte, c'est ce à quoi Darwin fait allusion quand il dit lutte pour l'existence dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance, et ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son aptitude ou sa réussite à laisser des descendants. C'est-à-dire que la mesure du succès évolutif, elle a deux dimensions. La survie, le nombre de descendants. Et c'est des dimensions qui ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que plus vous survivez, plus vous avez des chances de laisser des descendants, mais ce n'est pas sûr. Par exemple, si vous êtes une fourmi ouvrière qui vit très longtemps, vous êtes stérile par définition, donc vous ne laisserez pas de descendants. Et donc aujourd'hui, on appelle fitness un composé de survie et de reproduction. Et il y a des débats théoriques gigantesques pour savoir comment penser ce composé de survie et de reproduction. Alors, donc, il y a des termes très difficiles à traduire, et c'est fitness vient de survival of the fittest. Spencer a dit à Darwin, il faut penser survie des plus aptes. Et c'est ça qui a donné le darwinisme social. D'accord. Il y a les aptes, les moins aptes, etc. Et Darwin, lui, et c'est le point que je voulais donner, vous parliez de l'intention des animaux, etc. Il faut bien voir que, c'est même écrit dans le texte, il emploie lutte pour l'existence dans le sens général et métaphorique. Le darwinisme, c'est une théorie absolument générale. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui vaut aussi bien pour les chiens que pour les cordonniers, que pour les huîtres, que pour les baobabs. Donc c'est vraiment une théorie absolument générale du vivant. Il est clair que ni les baobabs, ni les huîtres, ni les amibes... Et les humains, alors ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors les humains, il en pense... On s'est simplifié les choses, il en parle dans le deuxième livre qui est la filière... Il en parle quasiment pas dans l'origine des espaces, il en parle dans... la filiation de l'homme, The Descent of Man. Dans l'origine des espèces, tout le monde voyait bien qu'une fois qu'on a cette théorie évolutionniste, forcément, les humains sont des animaux et des animaux qui ont des ancêtres qui sont d'autres espèces animales. Il faut bien voir que la théorie darwinienne dit que deux vivants, quels qu'ils soient, une vache et une araignée, moi et un amibe, on a un ancêtre commun. Mais cette théorie doit donc être extrêmement générale. Et à partir du moment où on va considérer des familles de vivants spéciales avec des propriétés spéciales, par exemple la capacité à l'apprentissage, par exemple la capacité à la communication ou à la vie sociale, par exemple, il va y avoir des enrichissements de la théorie, évidemment. Mais là, on est au lutte pour l'existence, sélection naturelle, évolution, variation. C'est vraiment les concepts les plus généraux possibles. Et c'est ça qui posent comme base dans l'origine des espèces. Quelques mots sur ses dettes à Darwin. On a parlé de Lamarck, mais il faudrait peut-être parler de Malthus, Thomas Malthus, qui a écrit en 1798 un essai sur le principe de population. Lui déjà disait que dans un environnement, un contexte, il ne peut pas y avoir multiplication à l'infini des espèces qui pourraient tendre vers cela. Et c'est le caractère limité des ressources qui fait que, bah justement, ça ne va pas vers l'infini. Et donc, forcément, toutes les espèces ne survivent pas de la même manière. C'est important, Malthus, pour Georges, pour vous d'ailleurs, et pour Darwin et pour oui, vous, Georges Chapoutier. Oui, on rattache souvent Darwin effectivement à Lamarck, mais effectivement, c'est une très bonne idée de ne pas oublier qu'il se rapproche de Malthus, tout à fait. Alors, il faut aussi dire que, juste quelques mots quand même, les penseurs sont incarnés. Darwin a essayé de faire médecine comme son père, ça lui a pas plu, il a essayé de faire de la théologie, il en a fait, mais c'était pas son truc. Et de 1831 à 1836, il a été naturaliste à bord d'un bateau, le Beagle, et finalement, peut-on dire que tout s'est joué là, dans ses observations? Pas tout, mais une bonne partie. Beaucoup. C'était un grand observateur, et le fait qu'il avait le tour du monde... Y compris des êtres humains, ou seulement des espèces animales et végétales. Il s'intéressait surtout aux animaux, soyons honnêtes. D'accord. Mais il a fait ce tour du monde avec le Beagle, comme mousse, je crois, à l'origine. Et donc, il a découvert des quantités de choses qu'il a décrites. Ça a été une ouverture sur le monde absolument extraordinaire. On reviendra dans l'émission là sur le problème du darwinisme social, des tentatives de l'adapter. Peut-être qu'on n'a pas encore, on n'a pas été au bout du problème et des enjeux. Mais il est temps là de faire droit à, disons, à ce qui apparaît comme le contrepoint de la compétition pour Darwin. Oui, il y a du struggle for life et nous avons expliqué avec toutes les précautions que lui-même prend de quoi il s'agissait. Mais il y a aussi de la coopération et on ne peut pas penser la compétition sans la coopération. Vous me l'avez d'ailleurs déjà dit dès le début de l'émission. On écoute encore un extrait de Darwin. Les hommes primitifs ou nos ancêtres simio humains n'ont pu devenir sociables qu'après avoir acquis les sentiments instinctifs qui poussent certains autres animaux à vivre en société. Ils possédaient sans aucun doute ces mêmes dispositions générales. Ils devaient ressentir quelques chagrins lorsqu'ils étaient séparés de leurs camarades pour lesquels ils avaient de l'affection. Ils devaient s'avertir mutuellement du danger et s'entraider en cas d'attaque ou de défense. Ces sentiments impliquent un certain degré de sympathie, de fidélité et de courage. Personne ne peut contester l'importance qu'ont, pour les animaux inférieurs, ces diverses qualités sociales. Or, il est probable que, de même que les animaux, les ancêtres de l'homme en sont redevables à la sélection naturelle jointe à l'habitude héréditaire. Lorsque deux tribus d'hommes primitifs, habitant un même pays, entraient en rivalité, il n'est pas douteux que, toute autre circonstance étant égale, celle qui renfermait un plus grand nombre de membres courageux, sympathiques et fidèles, toujours prêts à s'avertir du danger et à s'entraider et à se défendre mutuellement, ait dû réussir plus complètement et l'emporter sur l'autre. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, de même que tout à l'heure pour aborder la sélection naturelle, j'ai osé quelques exemples, y compris très, très banals. Je vais prendre un risque analogue, là, en essayant de donner un exemple et voir Philippe Hünemann et Georges Chapoutier qui nous aidaient ce matin à réfléchir aux thèses de Darwin, si c'est correct. Lorsque une antilope qui voit au loin son prédateur, un lion, fait des sauts. C'est vous qui m'avez évidemment soufflé ces exemples. J'ai un peu lu quand même où on m'a aidé à comprendre vos travaux. Lorsque cette antilope fait des bonds, etc., et montre sa vivacité, c'est une communication. Il y a de la communication entre les espèces d'animaux, si je comprends bien. Évidemment, elle signifie au lion d'abord qu'elle est véloce et rapide, mais par ailleurs, elle envoie des signaux peut-être aux autres antilopes qu'il se passe quelque chose. Et au fond, il y aurait à la fois l'enjeu de la compétition et l'enjeu de la coopération de l'individu antilope à l'égard de tous les autres individus antilopes. Ça va, j'ai pas trop dit de bêtises, Georges Chapoutier. Je veux intervenir plus en prenant ma casquette de biologiste, parce que Ce domaine-là, c'est très à la mode actuellement de dire on n'a pas lu bien Darwin. Il y a le struggle for life, mais il y a aussi l'empathie, l'entraide, etc., etc. Je vous dis, alors il y a tout autre exemple qu'on peut donner. Vous parlez des antilopes. Il y a eu un cas qui a été décrit récemment d'une lionne qui a adopté un bébé antilope, par exemple. Il y a des exemples aussi. Il y en a plusieurs dans la nature. Mais il y a mieux que ça. Il y a des expériences qui sont faites en laboratoire. Où on montre par exemple que des rats ou des singes, ça marche avec les deux groupes. Hein. Vous avez des animaux qui peuvent appuyer sur une pédale pour obtenir le nourriture, ils sont légèrement affamés, et ils s'aperçoivent que quand ils appuient sur leur pédale, non seulement ils obtiennent la nourriture, mais ils donnent un choc électrique à leurs voisins. Mm-hmm. Rats, et dans ce cas-là, ils réduisent leur taux d'appui, comme s'il y avait une espèce d'appréhension à faire mal aux voisins. Donc il y a toute une série d'expériences comme ça qui montrent qu'il y a chez l'animal des sentiments d'empathie que l'on avait beaucoup négligés. Et ce que vous dites là va très au-delà de la solidarité de ceux qui font face à un prédateur. Là, j'avais donné cet exemple des antilopes face à un prédateur. Bien sûr. Mais ce que vous dites, c'est que ça va très au-delà. Il y a de la coopération et de l'empathie et de l'attention. Tout à fait. Alors ça vaut, bien sûr, là, on touche à des domaines beaucoup plus évolués, psychiques. C'est plus du struggle for life au niveau en quelque sorte élémentaire de la bactérie ou autre. Hein. Oui. On touche à des phénomènes de la pensée. Et alors là, j'aurais fait une petite remarque. Oui. Autant le darwinisme traditionnel s'interprète dans une mécanique dialectique classique matérialiste, qui est celle de la science d'aujourd'hui. Mais quand on touche à la pensée, on va toucher à une dialectique beaucoup plus idéaliste, proche de celle de Hegel. Et je voudrais citer ici mon maître, François Dagonier, mm-hmm. qui avait proposé un lien entre ces deux dialectiques. Il avait dit il n'y a pas de séparation finalement entre la dialectique de Engels matérialiste et la dialectique hegélienne idéaliste. Et on trouve un peu cette idée dans la coopération au niveau darwinien. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire pour pédagogiquement, pour qu'on comprenne bien, Philippe Unemann, cette idée de coopération chez Darwin lui-même. Oui, chez Darwin et chez les antilopes. En fait, je vais essayer de déplier tout ça de manière assez simple. Je pense que le mot de compétition, déjà, il y a un point, on a parlé de Malthus. Malthus était un révérend, comme ces révérends, comme Bayes, comme Berkeley, etc., qui ont beaucoup fait avancer la pensée. Malthus était faisait partie des économistes anglais, Ricardo, Smith, etc. Il se posait des questions d'économistes. Et c'est quoi l'économie? C'est la question, en fait, de l'allocation, de la gestion des ressources rares. C'est ça qui se passe. Et donc, ce que Malthus a montré, c'est que les vivants se reproduisent plus vite que les ressources ne se renouvellent. Hein, techniquement, il dit, voilà, c'est une suite arithmétique, là, le renouvellement des ressources et c'est une progression géométrique, le renouvellement des humains. Et donc, il y a quelque part dans Darwin un petit calcul où il prend des éléphants et puis les ressources d'éléphants et il montre qu'au bout de 5 générations, il devrait y avoir des milliards d'éléphants, il en reste qu'une centaine. Enfin, je cite de mémoire, c'est pas exactement ça, mais c'est vraiment l'idée. Alors, la compétition, c'est quoi? En français, en fait, c'est concurrence. C'est le mot important. D'accord. C'est-à-dire, quand on pense compétition, il faut surtout pas penser guerre de tous contre tous, etc. Et c'est là où le mot lutte est un peu trompeur. Et c'est d'ailleurs le texte qu'on a lu et essayait de défaire ce caractère trompeur. C'est-à-dire, la compétition, c'est vraiment, il y a une histoire que les évolutionnistes racontent. Hein. Ils disent, voilà, il y a deux gars et puis il y a un tigre qui arrive et le premier dit à l'autre, oulala, vite, un tigre, courons. Et le second dit, mais c'est foutu, de toute façon, il court plus vite que nous. Et le premier dit, non, mais c'est pas le problème. Le point, c'est pas de courir plus vite que le tigre. Le point, c'est que moi, je cours plus vite que toi. Parce que c'est entre les... Donc, si vous voulez, la compétition, c'est pour des ressources et pour tout ce dont, comme il est dit dans le texte de Darwin, tout ce dont on dépend. C'est-à-dire que, par exemple, les prédateurs dépendent de leur proie. Les parasites dépendent de leur hôte. Et la proie dépend de sa capacité à résister aux prédateurs. Alors, la proie dépend de ce qui va lui permettre d'échapper aux prédateurs. Oui. En particulier, alors, on peut parler de dépendance au sens large, en particulier... dépend de ses propres dispositions héréditaires, par exemple, héritables, par exemple, à courir vite. Donc ça, c'est la concurrence. Alors, la concurrence donne la sélection naturelle. Entre antilopes, par exemple, puisqu'on est parti de la coopération. Alors, la coopération, c'est... a priori, on se dit, une troupe d'antilopes, il y en a une qui voit le lion. Alors, ce qu'elle devrait faire, son intérêt, c'est de partir en courant sans rien dire à personne, puisque c'est ça qui minimise ses chances de se faire manger. Donc, c'est un exemple type dans un champ gigantesque depuis une soixantaine d'années, qui est l'étude de l'altruisme et de la coopération. Ce qu'elle fait, ça se décrit comme quelque chose qui, à la fois en sautant, Les autres la voient sauter, donc c'est comme un signal qui va aider les autres antilopes de la troupe à ne pas se faire manger. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour les autres, elle leur rend un service. Et en même temps, ça a un coût pour cette antilope, puisqu'elle risque de se faire manger, elle est plus visible que les autres. Alors pourquoi quelque chose qui a un coût existe et n'a pas été balayé par la sélection naturelle, dont il est crucial de comprendre qu'elle vise, comme le dit Darwin, l'individu, pas l'espèce. Il n'y a jamais de sélection naturelle pour l'espèce, en tout cas en première analyse. Donc pourquoi il y a ce comportement de l'antilope qui, en fait, quand vous regardez bien, est absolument généralisé. Des comportements qui ont un coût pour l'individu et un bénéfice pour les autres, il y en a plein. Et donc c'est un comportement altruiste. Et donc, alors il y a beaucoup aujourd'hui beaucoup de théories pour l'expliquer. Il y en a certaines qui disent, voilà, c'est un signal pour le lion, qui effectivement, comme vous avez dit, qui est je cours plus vite que toi, je dis au lion je cours plus vite que toi, donc mange plutôt les autres. Donc là effectivement, c'est finalement on a fait disparaître la notion de coût pour l'individu qui saute, puisque en fait c'est surtout un bénéfice qui est que les autres vont se faire manger. Si on veut garder la notion de coût pour l'individu qui saute, il y a beaucoup d'autres analyses qui vont en particulier regarder par exemple le côté génétique de l'affaire, ou sinon d'autres qui ont à voir avec, on va en parler dans 10 minutes j'imagine, ce qu'on appelle la sélection à plusieurs niveaux. Alors, vous permettez, puisque vous annoncez la suite, et vous venez de l'annoncer en effet, une partie de la suite, c'est la génétique. Alors, Charles Darwin n'a évidemment pas connu la découverte des gènes qui a été faite en 1953, là encore vous me corrigez, si ce n'est pas le cas, par Rosalind Franklin, James Watson et Francis Crick. J'espère ne pas faire d'erreur, je parle sous votre contrôle, Georges Chapoutier. C'est un peu plus compliqué que ça. J'imagine. Je voudrais savoir si la génétique a vraiment tout simplement prolongé, mais validé les thèses darwiniennes. En particulier, il y a quelqu'un d'important qui s'appelle Richard Dawkins, qui a fait paraître un livre évoquant la notion de gène égoïste. Et on a l'impression là de retrouver exactement ce que vous veniez de dire, Philippe Hudemann, sur le fait qu'il y a dans toutes les espèces des individus qui se reproduisent bien. Et ça, c'est, disons, leur intérêt en quelque sorte égoïste. Mais il y a aussi des individus stériles, parfois, ou en tout cas moins féconds, mais qui sont en comportement altruiste très important pour l'ensemble de l'espèce. On écoute Richard Dawkins. La survie du plus apte signifie en fait la survie des gènes, parce que ce sont seulement les gènes qui survivent à travers de nombreuses générations. Un gène qui ne s'occuperait pas de ses propres intérêts ne survivrait pas. C'est le sens de l'expression « gène égoïste ». Les individus se sacrifient les uns pour les autres, ils se procurent de la nourriture les uns pour les autres, pour leurs proches parents, et pour d'autres individus qui pourraient leur rendre l'appareil à une autre occasion. Les gènes égoïstes donnent naissance à des individus altruistes. La règle qui est inscrite dans nos cerveaux dit « Sois gentil avec tous ceux que tu rencontres ». Et cela fonctionne dans la nature parce que toutes les personnes que vous rencontrez vont faire partie du petit groupe. De même, chaque personne que vous rencontrez est probablement un cousin. Ainsi, lorsque je vois un être humain en détresse, en pleurs ou autre, j'ai un besoin presque incontrôlable d'aller le consoler, voire de le prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a? Comment puis-je aider? C'était un extrait d'un documentaire sur Darwin, justement pensé à travers Richard Dawkins. Georges Chapoutier, s'il vous plaît, j'ai essayé de dire avant, il y a des gènes égoïstes, mais il peut y avoir des comportements altruistes, etc. Les gènes égoïstes renvoient à la capacité à se reproduire, à la fécondité, etc. Et puis là, on vient d'entendre Richard Dawkins dire une phrase que je n'arrive plus moi-même à comprendre. Le gène égoïste donne naissance à des individus altruistes. Vous pourriez nous expliquer ? Moi, je trouve que Dawkins pousse beaucoup trop. Parce qu'il interprète tout comme une mécanique des gènes, en quelque sorte. Et il va dire, même s'il y a des gènes égoïstes, eh bien, ça va être l'intérêt des populations que ces gènes égoïstes, dans certains cas, aboutissent à de l'altruisme. D'autres. Moi, je suis absolument contre les thèses de Dawkins, personnellement. D'accord. Donc, les thèses de Dawkins sont un peu trop sur le tout génétique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, tout cela, cette idée d'une détermination par les gènes est très contestée. Philippe Hudemann, alors, altruisme, égoïsme, on pourrait quand même préciser. Ouais, je vais essayer de... Je vais essayer de partir de choses simples, c'est-à-dire... tu dis, je travaille beaucoup sur ces trucs-là, donc c'est dur d'expliquer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, c'est assez simple. Les chercheurs et pédagogues. Les gènes, en fait, le darwinisme moderne, c'est Darwin plus Mendel. Donc Mendel, c'est quoi? C'est en fait c'est les gènes, c'est lui qui a forgé ça a été redécouvert en 1908, quelques décennies avant, il a compris, enfin il a pensé que l'hérédité c'était déterminé par ce qui on peut imaginer des petites particules, ils appelaient ça comme ça, hein, donc on appelle les gènes et qui sont transmis de manière aléatoire. C'est l'aléatoire initial de la théorie darwinienne moderne, c'est ça. C'est le fait que par exemple, quand vous prenez deux parents, chacun va transmettre 50% de ses gènes pris au hasard. Et donc le descendant ne veut pas être juste un mélange des traits du père et de la mère, ça va être des déterminants génétiques, soit du père, soit de la mère. Et alors après, il y a des déterminants génétiques plus forts que d'autres, et c'est pour ça que alors ça s'appelle le génotype et le phénotype. Hein, c'est comme ça que, par exemple, si vous avez un père et une mère qui transmettent chacun un déterminant de l'un un déterminant d'yeux bleus, l'autre un déterminant d'yeux marrons, comme on apprend des cours de génétique initiale, le descendant va avoir les yeux marrons parce que le déterminant ou le gène marron est plus fort. Donc ça, c'est des choses de base. Et donc l'hérédité et la variation se comprennent génétiquement. L'hérédité, c'est transmettre des gènes. La variation, c'est la mutation génétique et la recombinaison génétique. Donc ça, si vous voulez, c'est la doxa de ce qu'on appelle la synthèse moderne, la théorie évolutive moderne. En 53, on a compris que les gènes, le support des gènes, c'était l'ADN. C'est pas absolument fondamental dans cette histoire. Donc la théorie classique darwinienne, c'est les années 30, 40, 50. C'est là que ça s'est élaboré. Du 20e siècle. Du 20e siècle, oui, okay. Bien sûr, du 20e siècle. Et alors là, maintenant, c'est quoi ces histoires de gènes égoïstes et de gènes altruistes? En fait, Dawkins, sa thèse, c'est que la sélection vise les gènes. Bon, pourquoi il pose cette thèse qui doit être prise très au sérieux? Je suis pas fondamentalement Dawkinsien, mais je reconnais que le livre Le gène égoïste a une puissance d'unification des phénomènes biologiques qui est très très forte. C'est pour ça que c'est un livre qui a beaucoup marqué la biologie. Et ce que veut dire Dawkins, c'est que les gènes qui permettent à leurs porteurs persister plus que d'autres et de donner lieu à plus de descendants sont les gènes qu'on va retrouver aux générations suivantes. Bien évidemment, les gènes ne sont pas égoïstes au sens usuel du mot, et c'est ça, je pense, l'erreur. Ceux-là, ils vont se reproduire. Qui est une intention. J'essaie de comprendre. Donc, ouais. Ceux qui vont hériter de ces gènes égoïstes sont aussi ceux qui vont le plus féconder Non, justement. C'est pas ça. C'est là où ça se complique. Ce qu'il appelle le gène égoïste, c'est que les gènes qui ont tendance à se perpétuer, les gènes qui donnent lieu à des comportements au sens très très large, ça peut être des comportements des feuilles d'arbres, hein, c'est pas du tout intentionnel, qui donnent lieu à des descendants qui vont, en gros, les gènes qui conditionnent des comportements qui permettent aux copies de ces gènes d'être plus présentes aux générations suivantes sont les gènes qu'on va retrouver. Et c'est ça l'égoïsme. En revanche, l'altruisme et l'égoïsme des individus, c'est autre chose. L'altruisme, c'est un comportement, un trait qui a un effet bénéfique pour les autres en termes de fitness, c'est-à-dire en gros de nombre de descendants, et un coût pour soi. C'est-à-dire que c'est complètement contre-intuitif, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle égoïsme et altruisme. Enfin, pas directement à voir avec ce qu'on appelle égoïsme et altruisme. Si vous êtes, par exemple, je fais quelque chose d'excessif, hein, si vous êtes un patron de start-up milliardaire qui passe son temps au casino et à s'acheter plein de trucs et qui n'a pas d'enfants, vous êtes altruiste. Parce que vous ne faites pas d'enfants. Si vous êtes une mère qui se dévoue pour ses 14 enfants, vous n'êtes pas altruiste. Bon, merci encore pour engager la suite, puisque nous allons parler maintenant des humains. Alors le problème, si je vous entends bien tous les deux, c'est que dans cette émission qu'a vraiment dit Darwin, Philippe Hudeman et Georges Chapoutier, vous m'expliquez, vous qui êtes des spécialistes, que au fond Darwin n'a pas dit grand-chose sur les comportements des humains. Il a surtout parlé des espèces animales et végétales. Si, il a dit, mais c'est dans l'autre livre. C'est dans la descendance de l'homme. De 1871. Oui. Et l'expression des émotions. Dans deux autres livres. Alors, très bien. Donc, maintenant, on va parler de cela. Il a dit, mais on n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Et alors, est-ce que Darwin lui-même insiste davantage pour ce qui concerne les humains sur les comportements altruistes de coopération que sur les comportements de concurrence et de compétition? Oui, tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'il considère que dans l'espèce humaine, il n'y a pas le struggle for life et que l'espèce humaine, il est entre guillemets socialiste, Darwin. Bon, alors ceux qui essayent de l'adapter, tout à l'heure on a dit que c'était des gens qui essayent de suggérer une compétition consciente, bon, parfois ils sont plus malins que ça. Quand ils sont eugénistes, par exemple, ils pensent que c'est pas conscient, c'est inconscient, naturel, à certains d'être plus aptes, plus forts que d'autres. Bon, c'est une doctrine forte qui a fait beaucoup de mal au XXe siècle, c'est le moins qu'on puisse dire. A-t-on des personnages, je dirais, exactement en contrepoint de cela, qui, au contraire, ont cherché dans une espèce d'inconscient, peut-être naturel et génétique, je n'en sais rien, humain, davantage l'altruisme et la coopération. Bah, y a un exemple célèbre, c'est Kropotkine, qui est un anarchiste russe, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui a réinterprété ou qui a relu Darwin dans un sens de la coopération. Alors, si on parle de Kropotkine, bon, nous, on vous a sélectionné un texte, on va essayer de le lire rapidement pour pouvoir en parler très concrètement. On écoute cette lecture de Kropotkine. La compétition n'est pas la règle dans le monde animal, ni dans l'humanité. Elle est limitée chez les animaux à des périodes exceptionnelles et la sélection naturelle trouve de bien meilleures occasions pour opérer. Des conditions meilleures sont créées par l'élimination de la concurrence au moyen de l'entraide et du soutien mutuel. Dans la grande lutte pour la vie, pour la plus grande plénitude et la plus grande intensité de vie, avec la moindre perte d'énergie, la sélection naturelle cherche toujours les moyens d'éviter la compétition autant que possible. Les fourmis se réunissent en groupes et en nations. Elles accumulent des provisions, elles élèvent leurs bestiaux, évitant ainsi la compétition. Et la sélection naturelle choisit parmi les fourmis les espèces qui savent le mieux éviter la compétition avec ses conséquences nécessairement pernicieuses. Alors, lu par Carla Michel de l'équipe d'Avec Philosophie, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la préparation de cette émission, vous venez d'entendre un extrait du livre de Pierre Kropotkine, L'entraide, un facteur de l'évolution, ouvrage de 1902. Kropotkine, c'est un anarchiste russe, mais il est vraiment scientifique. Hein, il était au départ, il a fait des études à l'école du corps des pages du tsar Alexandre II. C'était pas scientifiquement n'importe qui. Bon, après, il a beaucoup voyagé, fait de la prison en France dans les années 1880. C'est quand même troublant que ce soit souvent des anarchistes, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a un autre exemple, je crois que c'est Émile Gautier, plutôt qui se sont intéressés à Darwin, puisque s'ils s'intéressent à la les anarchistes ont quand même une tendance à penser aussi ce qui est centrifuge et pas seulement ce qui rassemble, même si beaucoup d'anarchistes de gauche cherchent par-delà ce qui est les forces centrifuges dans la communauté humaine, ils cherchent ce qui rassemble. Mais c'est vrai que c'est troublant, c'est l'anarchie qui a offert les plus grands exemples d'explorateurs, si j'ose dire, de Darwin et de la dimension coopérative des comportements humains. Oui, c'est un fait, mais j'ai absolument aucune explication. Je sais pas. Mais en revanche, je pense que y a une chose très importante qui est que ce dont parle Kropotkine dans ce livre L'entraide, qui a été lu, relu par des biologistes, etc., c'est l'entraide dans le monde vivant. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est fondamental ici, qui est la symbiose, le mutualisme, en fait. C'est-à-dire l'idée que, par exemple, le poisson rémora là et le requin, le petit poisson qui nettoie les dents du requin. Bon, c'est un exemple de mutualisme, c'est-à-dire que il y a un bénéfice mutuel entre deux espèces. Mmh. Ça c'est la différence entre le mutualisme et l'altruisme. L'altruisme, c'est l'individu d'une même espèce. Là, on a deux individus qui sont de deux espèces différentes. Il y en a un qui devrait manger l'autre. Le requin devrait manger le petit poisson. Il le fait pas. C'est le bénéfice du petit poisson. Et le petit poisson devrait fuir le requin. Il le fait pas. Et il nettoie les dents du requin. C'est le bénéfice du requin. Et on se rend compte, ça a été montré aussi bien sur cet exemple que sur celui de l'espèce d'oiseau dont j'ai oublié le nom qui fait la même chose pour le crocodile, que à terme, si vous avez des requins ou des crocodiles qui n'ont pas de petits poissons accompagnants parce qu'ils le mangent, leurs dents pourrissent et ils finissent par en fait vivre moins longtemps que les autres requins. Autrement dit, le mutualisme donne un avantage aux requins coopératifs dans la compétition avec les autres requins. Et dans cet exemple, on voit bien comment la compétition et la coopération, ici sous la forme du mutualisme, oui, sont complètement imbriquées. Et c'est vrai que jusqu'aux années 60-70, vous aviez en biologie les darwiniens, dont on disait qu'ils étaient sur la sélection, la compétition, l'individualisme, et puis beaucoup de biologistes, en particulier de botanistes, qui étaient sur la symbiose, le mutualisme et donc la coopération, etc. Donc c'était quelque chose comme Darwin versus Kropotkin. Et c'est clair que dans les années 60-70, on a eu des ressources dans la théorie darwinienne moderne pour inclure la coopération et l'altruisme, en particulier le mutualisme, dans nos théories. Alors ça s'est fait aussi bien sous la forme qu'on voit dans Dawkins, c'était beaucoup un livre sur l'altruisme, d'un déplacement de la perspective de la sélection, où on ne parle plus de sélection des individus, mais de sélection des gènes. Et là, en gros, l'idée, c'est que c'est quoi l'altruisme ? C'est comme c'était une phrase de Haldane, hein. Je ne vais pas me jeter à l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie, mais bon, si c'est mon frère, si, je vais le faire. En tout cas, j'aurai une chance sur deux de le faire. Si c'est mon cousin, j'aurai une chance sur quatre. Si c'est mon arrière-cousin. Parce que, voilà, je partage la moitié des gens avec mon frère. En fait, on comprend mieux, là, dans ce que vous dites. C'est sûr, pour des anarchistes, de penser le rassemblement par des liens naturels, horizontaux, plutôt que par un pouvoir, une archée verticale, c'était très intéressant. Mais vous, par exemple, c'est passionnant, Georges Chapoutier. Depuis le début de cette émission, vous nous dites, Darwin, c'est la coopération, c'est l'entraide. Alors, est-ce qu'on ne disait pas cela ? Je ne suis pas le seul à dire ça, hein. Alors, je vois que le temps avance. Je voulais vous allez avoir deux dernier choses mot. Quand même avant. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler tellement. D'une part, ce qu'on appelle l'évolution culturelle. Parce que depuis les anarchistes comme Kropotkin, maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a des philosophes, des biologistes comme Juventa, des philosophes comme un Américain qui s'appelle Kevin Laland, qui dit en substance, Darwin a négligé à tort l'évolution culturelle, qui est fondamentale dans l'espèce humaine. Elle vaut aussi dans d'autres espèces animales, mais elle est essentielle chez l'homme. Je cite quelques mots de Kevin Laland pour placer un peu les choses. La théorie darwinienne est une symphonie inachevée. Oui. Et l'impulsion culturelle peut modifier le processus évolutif. Alors il y a tout un domaine là qui sort de l'anarchisme. C'est donner à l'évolution culturelle un rôle tout à fait fondamental. Mm-hmm. Puis le deuxième point que je voulais souligner, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, mais on a parlé tout à l'heure de l'évolution par construction. Mm-hmm. Moi je suis auteur d'une thèse dite de complexité en mosaïque. Oui. La mosaïcité. Que j'ai appelé la finalité par construction, oui, qui montre que dans l'évolution même, il y a le fait qu'une construction va vers une certaine complexité, et donc il y a des phénomènes évolutifs qui sont en parallèle avec le darwinisme. Mm-hmm. Ils ne sont pas contradictoires, mais ils sont en parallèle. Donc je voulais citer ces deux points-là, l'évolution culturelle, qui est très à la mode aujourd'hui, et l'évolution dans la complexité, qui est aussi très intéressante. On se comprend, on se comprend. Une chanson qui a plu, semble-t-il, à nos spécialistes de Darwin ce matin. C'est le choix de l'équipe d'Avec Philosophie, Les uns contre les autres, interprété par Fabienne Thibault. Vous aurez reconnu, je pense, la patte de Michel Berger et de Luc Plamondon, puisque c'est tiré de l'album Starmania de 1980. Merci à vous deux, Philippe Hulman et Georges Chapoutier, de nous avoir aidés, d'avoir coopéré avec nous sur ce sujet extrêmement difficile qui est ce que disait Darwin véritablement. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms. Cette semaine, vous le savez, il nous parle de l'image de soi, de l'amour propre, de la réputation. Voici le pourquoi du comment. Comment résister à la calomnie ? Les philosophes de la morale, et en particulier ceux qu'on appelle les moralistes, ont toujours tenté de résister aux dégâts de la réputation, de l'image négative qu'on peut avoir chez les autres, par un effort intérieur sur soi-même. Il reviendrait avant tout à la subjectivité de résister au danger de l'image de soi, au danger de l'amour propre. C'est par une réforme morale que je vais m'en libérer. Et encore chez Rousseau, c'est en accédant à l'amour de soi contre l'amour propre que je vais pouvoir résister à tous ces dégâts. Mais est-ce toujours possible? Ne faut-il pas aussi parfois résister à la calomnie et à la diffamation, à ces intentions de nuire qui passent par délibérément la déformation de l'image d'autrui? Ne faut-il pas y résister par des actes sociaux, par des actes politiques, par un minimum de résistance publique? On le sait, en effet, la calomnie n'est pas seulement un trouble intérieur, c'est un véritable dégât social, une atteinte profonde à autrui. C'est quelque chose qui peut être pénalement répréhensible, en tout cas quand ça atteint la dimension de la diffamation. Les moralistes, mais aussi les artistes, l'ont bien compris. Et par exemple, évidemment, Beaumarchais dans Le mariage de Figaro et dans l'opéra auquel cela a donné lieu, L'ère de la calomnie. Calomnie, il en reste toujours quelque chose. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est pourquoi, en fait, l'origine de la calomnie, le dire du mal d'autrui, qui n'est pas toujours la diffamation publique, qui peut se chuchoter à l'oreille, un peu comme Iago dans Othello, chuchote à Othello que sa fiancée est en train de le tromper, alors que c'est faux, eh bien, cette calomnie peut en effet conduire au pire des crimes, et il ne faut pas seulement y résister par un travail intérieur sur soi, même par le travail de la morale, même s'il est nécessaire, par une forme d'endurcissement intérieur à la mauvaise réputation, à la mauvaise foi, au mensonge d'autrui. Il faut aussi y résister par les forces de la loi, quand cela atteint la dimension de la diffamation, et il y a des critères très précis, et il faut sans doute dans nos sociétés des lois très précises sur la diffamation, des outils, des moyens donnés à chacune et à chacun, quelle que soit sa position sociale, pour résister à ces actes destructeurs d'autrui. Et puis, il y a aussi cette forme de résistance qui passe par la publication de ces actes, le fait d'assumer publiquement ce que l'on fait et de pouvoir répondre. Les outils de la calomnie sont aujourd'hui dissymétriques. Il y a des calomnies qui se répandent dans des discussions en l'absence de celui ou de celle qui est visée. Il y a aujourd'hui une profonde dissymétrie des moyens face aux paroles et aux actes calomnieux. La calomnie, jusque dans les cours d'école, jusque plutôt dans les réseaux sociaux, qui ne sont justement pas les cours d'école où quelqu'un peut répondre en face à face. La calomnie se répand aujourd'hui dans le monde et ce n'est pas un danger simplement intérieur et moral, mais un véritable danger social qui menace aujourd'hui chacun d'entre nous. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Anna Fulpin, Marine Boudalier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!